Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des rois, chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 55 ans dans Jérusalem. Le nom de sa mère était Hapsiba. Et il fit le mal devant le Seigneur, selon le culte des idoles des nations que le Seigneur avait exterminées à la face des enfants d'Israël. Et il en revint à bâtir les hauts lieux qu'avait détruits Ézéchias son père. Il dressa des autels à Baal. Il fit planter des bois sacrés, comme a fait Akab, roi d'Israël. Il adora toute la milice du ciel et la servit. Il construisit aussi des autels dans la maison du Seigneur, de laquelle le Seigneur avait dit: C'est dans Jérusalem que j'établirai mon nom. Et il construisit des autels à toute la milice du ciel dans les deux parvis du temple du Seigneur. Et il fit passer son fils par le feu. Il aima les divinations, observa les augures, et établit des pythoniens, et multiplia les oruspices pour faire le mal devant le Seigneur et l'irriter. Il mit aussi l'idole du bois sacré qu'il avait planté dans le temple du Seigneur, dont le Seigneur avait dit à David et à Salomon son fils: C'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël que j'établirai mon nom pour jamais. Et je ne ferai plus que le pied d'Israël se meuve dehors de la terre que j'ai donnée à leur père. Si cependant ils mettent à exécution tout ce que je leur ai ordonné, et la loi tout entière que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Or eux n'ont point écouté, mais ils ont été séduits par Manassé, pour faire le mal plus que les nations qu'a brisé le Seigneur à la face des enfants d'Israël. Le Seigneur a parlé ensuite par l'entremise de ses serviteurs, les prophètes, disant parce que Manassé, roi de Juda, a fait ces abominations, bien plus mauvaises que tout ce qu'ont fait les Amoréens avant lui, et qu'il a fait pécher même Juda par ses impuretés, c'est pourquoi le Seigneur, Dieu d'Israël, dit ceci: Voilà que moi j'amènerai des maux sur Jérusalem et sur Juda, en sorte que quiconque les entendra, ses deux oreilles tinteront. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le poids de la maison d'Akab. Et j'effacerai Jérusalem comme on a coutume d'effacer les tablettes. Et en l'effaçant, je tournerai et je passerai souvent le style sur sa face. Et j'abandonnerai les restes de mon héritage et je les livrerai aux mains de leurs ennemis. Et ils seront un objet de ravage et de rapine pour tous ceux qui les haïssent. Parce qu'ils ont fait le mal devant moi, et qu'ils ont continué à m'irriter, depuis le jour que leur père sortit de l'Égypte jusqu'à ce jour. De plus, Manassé répandit même une quantité prodigieuse de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem jusqu'à la bouche, outre les péchés par lesquels il fit pécher Juda pour faire le mal devant le Seigneur. Mais le reste des actions de Manassé et tout ce qu'il a fait, et le péché qu'il a commis, n'est-ce pas écrit dans le livre des actions des jours des rois de Juda? Et Manassé dormit avec ses pères, et il fut enseveli dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Osa. Et Amon, son fils, régna en sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna aussi 2 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Messalémette, fille de Harousse de Jétéba. Et il fit le mal en la présence du Seigneur, comme avait fait Manassé son père. Et il marcha dans toutes les voies par lesquelles avait marché son père. Il servit les impuretés qu'avait servi son père, et il les adora. Et il abandonna le Seigneur, Dieu de ses pères, et il ne marcha pas dans la voie du Seigneur. Et ses serviteurs lui dressèrent des embûches, et tuèrent le roi dans sa maison. Mais le peuple tua tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et ils établirent pour leur roi Josias, son fils, en sa place. Mais le reste des actions que fit Amon n'est-il pas écrit dans le livre des actions des jours des rois de Juda? On l'ensevelit en son sépulcre dans le jardin d'Osa, et Josias, son fils, régna en sa place. Autrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.